Premier livre de Samuel, chapitre 4. Or ce que Samuel avait dit, arriva à tout Israël, car Israël sortit en bataille pour aller à la rencontre des Philistins, et se campa près des Bancs-Hésés, et les Philistins se campèrent en Aphek. Et les Philistins se rangèrent en bataille pour aller à la rencontre d'Israël, et quand on fut dans la mêlée, Israël fut battu devant les Philistins, qui en tuèrent environ 4000 hommes en la bataille par la campagne. Et le peuple étant revenu au camp, les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Faisons-nous amener de Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et qu'il vienne au milieu de nous, et nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple donc envoya à Silo, et on apporta de là l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins, et là étaient les deux fils d'Élie, Ophni, et Phiné, avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Et il arriva que comme l'arche de l'Éternel entrait au camp, tout Israël se mit à jeter de si grands cris de joie, que la terre en retentissait. Et les Philistins entendant le bruit de ces cris de joie, dirent, « Que veut dire ce bruit, et que signifient ces grands cris de joie au camp de ces Hébreux ? » Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue au camp. Et les Philistins eurent peur, parce qu'on disait, « Dieu est venu au camp », et ils dirent, « Malheur à nous, car ceci n'a pas été au jour passé. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux-là si glorieux ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens au désert, outre toutes les autres plaies. Philistins, renforcez-vous, et soyez hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis, soyez donc hommes, et combattez. » Les Philistins donc combattirent, et les Israélites furent battus, et s'enfuirent chacun en sa tente, et il y eut une fort grande défaite, car il y demeura d'Israël 30 000 hommes de pied. Et l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Or un homme de Benjamin s'enfuit de la bataille, et arriva à Silo ce même jour-là, ayant ses vêtements déchirés, et de la terre sur sa tête. Et comme il arrivait, voici, Élie était assis sur un siège à côté du chemin, étant attentif, car son cœur tremblait à cause de l'arche de Dieu. Cet homme-là donc vint portant les nouvelles dans la ville, et toute la ville se mit à crier. Élie entendant le bruit de ce cri, dit, « Que veut dire ce grand tumulte ?» Et cet homme se hâta vint à Élie, et lui raconta tout. Or Élie était âgé de 98 ans, et ses yeux étaient tout ternis, et il ne pouvait voir. Cet homme-là donc dit à Élie, « Je suis celui qui vient de la bataille, car je me suis aujourd'hui échappé de la bataille. » Et Élie dit, « Qui est-il arrivé, mon fils ?» Et celui qui portait les nouvelles répondit, et dit, « Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une grande défaite du peuple, et tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut fait mention de l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse de dessus son siège à côté de la porte, et se rompit la nuque du cou, et mourut, car cet homme était vieux et pesant. Or il avait jugé Israël 40 ans, et sa belle-fille, femme de Phiné, qui était grosse, et sur le point d'accoucher, ayant appris la nouvelle que l'arche de Dieu était prise, et que son beau-père et son mari étaient morts, se courba et enfanta, car ses douleurs lui étaient survenues. Et comme elle mourait, celle qui l'assistait, lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils », mais elle ne répondit rien, et n'en tint point de compte. Mais elle nomma l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire de l'Éternel est transportée d'Israël, parce que l'arche de l'Éternel était prise, et à cause de son beau-père et de son mari. » Elle dit donc, « La gloire est transportée d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. »